vous êtes plutôt comme ça. Ah ouais, tu parles comme ça. Et toi, t'envoies comme ça. J'ai dépensé 30 000 euros, j'ai même pas bu un verre. Et elle a changé d'avis quand elle a vu l'oseille. Oh. Casa Casa Lisée, Jimmy Jimmy Weston. Le compte pèse une tonne pour vous qu'on me michetonne. Sarah de derrière, polyvalente à la Mos Def. Je suis avec des blonds noirs et des arabes d'Ariousef. Oh. Et si tu t'es venu, ça te réveille au coup de crosse. T'as que voir un fantôme passé en Rolls Royce. Ça prend des doffes et ça veut parler en aparté. Attends la bouche ouverte à la recherche d'une passe D. Hey, cousine, je te trouve vachement tactile. J'ai l'impression d'être la victime. Et tu la plus bonne de la plus bonne de tes copines. Tu peux me péter. C'est que dim, panam, tu connais, ça t'y sort les gauves. Ce soir, on s'ambiance pour ça qu'on se fait beau. D'ailleurs, ce soir, j'invite les bobos, les beaux. Ça critique, c'est normal, c'est que le son est bon. Je sais que j'en ai pas l'air, mais au fond, je suis sensible. Mais la vie est moins pénible. L'envolante de la fille va rire. La puissance comme jamais, comme le moteur tu vas crier. Jamais inaperçu sur les Champs-Élysées, je suis en cabriolet. Dans le top hit tune ou au top tu tête d'affiche Ben Stage, passe à minuit. 5 étoiles sur le torse comme le Brésil, frappe dans 1000 champs, fit à des cris. Théola, je fais ce qu'il y vient, je suis à Lampedusa. À minuit sur terrain, je me fais rayonner. 3 opérateurs dans le Huawei, ils m'en veulent la ouais, c'est des moins que rien. Pour qu'ils sentent la totale, je mets des gifles au nez. Je suis localisé, trois roues sont tournées à la barre, moi verbalisé. J'en ai pas l'air, mais au fond je suis sensible. Mais la vie est moins pénible. L'envolante la fait varier. Ce morceau, je l'ai composé dans le noir. Si tu doutes, demande à DJ Assad. Encore une fois, messieurs, dames, ça vient de Paname. Voilà, oui, voilà, non, tout ça me rend parano. Ce morceau, je l'ai composé dans le noir. Si tu doutes, demande à DJ Assad. Encore une fois, messieurs, dames, ça vient de Paname.